Je m'appelle Jean-Antoine Dubank. Je dirige une équipe au Centre d'immunologie de Marseille-Lumigny. Se focalise sur l'étude des interactions entre un animal, un petit nématode qui s'appelle Cynarhabditis elegans, et des pathogènes. Et notre but, c'est d'essayer de comprendre comment cet organisme se défend face aux infections. Quand on a commencé les études, on a utilisé exclusivement des bactéries. C. elegans, au laboratoire, est nourri avec Escherichia coli, qui pour C. elegans est peu pathogène, on peut remplacer E. coli avec une autre bactérie. Donc, C. elegans, à ce moment-là, va manger, par exemple, la salmonelle. Il savait que salmonelle est pathogène pour C. elegans. Donc, les vers nourris sur la salmonelle vont mourir plus rapidement que les vers nourris sur coli. On peut, dans une bactérie, exprimer la protéine fluorescente verte, donc la protéine fluorescente verte, la GFP, est une protéine qui était dans un premier temps isolée d'une méduse, et par des méthodes de génie génétique, on peut transférer le gène correspondant dans tous les organismes qu'on veut. Donc on peut avoir des bactéries qui fluorescent, et on peut donner ces bactéries à C. elegans à manger. Ce qu'on voit, c'est que les vers jeunes arrivent à casser toute bactérie avant qu'ils rentrent dans l'intestin. Or, les vers, quand ils deviennent plus âgés ou exposés pendant plusieurs jours à un pathogène, commencent à laisser passer les bactéries dans l'intestin où les bactéries s'installent et commencent à se multiplier pour remplir l'intestin et tuer des bactéries. Il y a même des bactéries qui sont capables de produire des enzymes qui détruisent le broyeur qui normalement sert à casser les bactéries. Donc ces bactéries sont extrêmement pathogènes pour C. elegans. Ils détruisent le broyeur, ils entrent en masse dans le ver, ils vont le tuer donc en quelques jours, sachant que normalement C. elegans va vivre pour 2 ou 3 semaines. Donc ça c'est pour les modèle bactérien, en règle générale, c'est extrêmement simple. On remplace coli par cette bactérie. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui travaillent sur ces modèles bactériennes avec des bactéries souvent qui sont des pathogènes humains. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser C. elegans pour comprendre ces bactéries qui ont un lien direct avec la santé publique. C. elegans mange des bactéries et sa défense contre un pathogène est en quelque sorte mélangée avec ses processus digestifs. Alors ça, c'est un des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix il y a presque 10 ans de se consacrer de plus en plus à des modèles d'infection fongique. Donc, il existe des champignons qui infectent des nématodes. C'est des champignons qui mangent des nématodes dans la nature parce que les nématodes sont une source d'azote et une source de phosphate. Ces champignons nématophages ont plusieurs stratégies. Il y a certains qui font des pièges. Le nématode va mettre sa tête dans une espèce de lasso. La lasso va fermer, le nématode va être piégé, et ensuite le champignon va envoyer des ifs dans le corps du nématode, il va le digérer. Il existe également des champignons qui font des ifs sur lesquels il y a une espèce de colle. Les vers vont être collés sur ces champignons. Il y a également des champignons qui ont des spores, donc c'est la forme résistante des champignons, capables de se fixer sur la cuticule des nématodes. Le spore se fixe, il va germiner, il va envoyer ses ifs à l'intérieur, il va avoir prolifération à l'intérieur des ifs, le verre va être digéré, et le champignon va sortir, de nouveau faire des spores, qui s'appellent les conidias, et les conidias vont être dispersés pour ensuite infecter d'autres nématodes. Et donc, dans notre travail depuis une dizaine d'années, on se focalise sur un champignon qui fait des conidias, qui se fixe sur ses ligands, qui l'infecte et qui le tue en 2 jours. Et on s'intéresse à la question quand ces ligands va réagir face à cette infection, quand il va essayer de se défendre contre ce champignon. Sachant que le champignon et les nématodes ont eu une histoire longue de coévolution, elles existent dans le même environnement depuis des millions d'années, et donc on peut imaginer qu'il y a eu une bataille assez intense entre champignons avec ses méthodes d'attaque et nématodes avec ses mécanismes de défense qui maintenant a conduit à la mise en place d'un système de défense bien complexe chez ces ligands. Et c'est ça qu'on essaie de décortiquer. Nous avons fait cette bascule de l'étude de la réponse aux bactéries aux champignons pour plusieurs raisons. Un, c'était extrêmement pragmatique. Il avait, quand on a commencé ses travaux sur l'immunité chez les élégances, 2 équipes dans le monde. Aujourd'hui, il y a au moins 15. Quasiment tous ces 15 labos travaillent sur les réponses de ces élégances aux bactéries. Je considère qu'il n'y a pas besoin de travailler dans un domaine où il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent. Donc ça, c'est une partie. Deuxième partie, comme j'ai mentionné, la réponse aux bactéries, c'est un peu le mélange de la réponse digestive et la réponse immunitaire. Or, quand on infecte avec le champignon, ça vient de l'extérieur, il est toujours en présence de sa source de nourriture normale, colis, et c'est un stimule qui arrive, on peut dire proprement, et va déclencher la réponse immunitaire séparée d'autres considérations. Mais peut-être aussi important, c'est le fait que les pathogènes qu'on utilise pour les champignons qu'on utilise, on sait que c'est les pathogènes que ces élégances rencontrent dans la nature. Et donc, la réponse qui est mise en œuvre dans cette interaction entre ces élégances et ces champignons va refléter ce qui se passe dans la nature et va être le résultat de la coévolution constante entre ces élégances et ces pathogènes. Ça peut être le cas également pour les bactéries, mais en règle générale, il y a eu cette biais d'étudier les bactéries qui sont pathogènes pour l'homme, et donc avec un intérêt clinique, et c'est un peu comme infecter l'homme avec une espèce qu'on voit jamais, et regarder quelle est la réponse immunitaire avec une toute nouvelle pathogène. Or, la vraie base de nos réponses immunitaires, c'est précisément pour faire face aux pathogènes qu'on rencontre de manière quotidienne ou souvent dans notre vie. Quand on a commencé ces travaux, on avait très peu d'indications de système de défense de ces élégances. On a utilisé une technique basée sur les puces à ADN qui permettent de mesurer au même temps l'expression de une grand nombre de gènes. Donc, on prend des vers non infectés, des vers infectés, on fait une extraction de tous les ARN messagers et on fait une hybridisation de ces ARN messagers qui ont été marqués sur un puce ADN sur lequel il y a des sondes pour chacun des gènes du nématode. Ensuite, on fait une comparaison entre infecté et non infecté. On est capable, donc, de mesurer les niveaux de chaque gène et de dire que un certain nombre de gènes sont induits ou réprimés suite à l'infection. Quand on a fait ça, on a vu deux choses. Premièrement, que la réponse aux champignons était très différente à la réponse aux bactéries. Et deuxièmement, que au sein des gènes induits, il y avait une classe qui sautait aux yeux. C'était des gènes qui codaient pour des petites protéines, les peptides qui, vu la structure, on avait l'air d'être des peptides antimicrobiens. Donc il existe chez toutes les espèces des peptides qui agissent directement contre les microbes. Globalement, ils marchent car les prokaryotes et les champignons possèdent des membranes qui ont une charge plus négative que les membranes des animaux et des plantes. Donc, les animaux et les plantes produisent des peptides qui sont cationiques, donc qui sont chargés positivement, qui se fixent préférentiellement sur les membranes des pathogènes, qui sont souvent capables de faire des trous, et en faisant des trous, sont capables de lyser des pathogènes. Donc ces peptides antimicrobiens sont caractérisés dans plein des espèces différentes, ils ont un certain nombre de caractéristiques, et on a vu que les peptides prédits d'être codés par des gènes induits par l'infection avaient toutes les chances d'être des peptides antimicrobiens. On a essayé de faire la preuve, on a synthétisé un peptide, ils sont composés d'une cinquantaine d'acides aminés, donc c'était une synthèse qui était faite, et ensuite, en mettant ces peptides sur des vers infectés, on a pu démontrer que ces peptides étaient capables de arrêter la croissance du champignon et de arrêter sa sporulation, et donc ils étaient bien des peptides antimicrobiens qui sont induits par l'infection. Donc on a identifié ces gènes qui sont induits, on avait la séquence du génome de C. elegans, on était capable d'identifier des régions promotrices dans le génome, donc les régions qui contrôlent l'expression de chaque gène, et on était capable de prendre la région promotrice pour une peptide antimicrobien et de mettre le gène pour la GFP, la protéine fluorescence verte, sur la contrôle de ces promoteurs et ensuite générer des vers transgéniques portant ce gène rapporteur. Pourquoi gène rapporteur? Parce que au moment de l'infection, il y a activation des défenses, il y a activation du promoteur, et dans les vers transgéniques, à ce moment-là, il y a expression de la GFP. Dans les vers non infectés fluorescent peu, on les infecte, et il devient très fluorescent. Et ces méthodes qui étaient utilisées avec un grand succès chez la drosophile, par une collaborateur Dominique Ferrandon dans l'équipe de Jules Hoffmann à Strasbourg, et on a suivi le méthode et on a fait une crible génétique. On a inactivé au hasard des gènes de C. elegans et ensuite on a cherché des mutants dans lesquels les gènes rapporteurs étaient plus allumés suite à l'infection. Et en faisant cette approche génétique, on a pu progressivement mettre en évidence des acteurs dans la réponse. Donc toute cette partie génétique était dirigée par Nathalie Pujol. C'est vrai que Nathalie est ma femme qui facilite énormément le travail collaboratif. On a travaillé ensemble depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai également profité des longues collaborations avec d'autres personnes dans l'équipe qui ont pris en charge d'autres parties de ce projet. Par exemple, on a pris une approche parallèle, une approche protéomique. Donc, on a regardé quels sont les changements en termes des protéines de ces ligands, parce que les changements en termes de messagers ne sont pas toujours traduits en changements protéiques. Et donc, ça, c'est un travail fait par Carl Couillou au laboratoire qui a pu démontrer qu'un certain nombre des protéines sont altérées suite à l'infection. Et donc, ça a amené également notre brique à notre connaissance du système de défense. Il y avait également, par une approche dite de gène candidat, des tentatives de décortiquer les réponses. Donc, Olivier Zugasti au laboratoire s'intéressait à une classe de ces peptides et il a pu montrer qu'il existe un système de communication où le système nerveux produise un signal qui agit sur l'épiderme, la peau de ces ligands, pour assurer la bonne réponse au pathogène suite à l'infection. Mais revenons sur l'écriture génétique qui a vraiment permis d'établir les bases de la réponse. Dès qu'on a isolé des mutants, il faut faire la correspondance entre mutants et gènes mutés. Jusqu'à récemment, c'était un travail assez dur. Pour passer du mutant au gène, si tout marchait bien, ça a pu prendre 6 mois, ça peut-être 1 an, 2 ans, si ça marchait pas bien. Et un chercheur travaillait sur un gène à la fois. Et donc ça, on a fait, on a identifié un certain nombre de gènes comme ça. Depuis l'émergence des nouvelles technologies de séquençage, la vitesse et le coût de séquençage a diminué de à peu près 100 millions de fois, ce qui est extraordinaire. Quand j'étais un thésard, c'était un projet de thèse de séquencer 30 000 pas de base. Donc 3 ans de travail pour faire 30 000 pas de base. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, une compagnie séquence le génome de C. elegans, qui est 100 millions de pas de base. Il le fait 30 fois, donc c'est 3 gigabases de séquences pour quelques centaines d'euros en quelques jours. De ce fait, si on a des mutants, maintenant, on peut les séquencer. Et en les séquençant, on identifie directement les modifications qui ont été faits dans le génome de nos vers. Et donc Nathalie a récemment fait un nouveau crible génétique qui a donné plus d'une cinquantaine de mutants qui sont en cours de caractérisation et on a déjà identifié plusieurs nouveaux gènes impliqués dans le processus par cette méthode de séquençage direct qui accélère énormément la découverte des éléments. En parallèle, pour identifier des gènes de défense, on a pris une autre stratégie qui est appelée la génétique reverse. Il s'avère que si on introduit dans les cellules des ARN double brin correspondant à une ARN messager, il y a un mécanisme dans la cellule pour détruire l'ARN messager correspondant. ARN interférence. Mise en évidence vraiment pour la première fois chez C. elegans. Donc c'est les travaux chez C. elegans qui a démontré ça. Chez C. elegans, contrairement aux plusieurs autres espèces, il suffit que les vers mangent l'ARN double brin pour avoir cet effet. Parce que les cellules de l'intestin possèdent un transporteur qui prend en charge l'ARN double brin, qui vont le transporter dans la cellule, et ensuite on va avoir l'effet de cette inactivation, car il y a également un transport de ces ARN interférents dans toutes les cellules de l'organisme. Nous disposons au laboratoire d'une banque des bactéries où chaque bactérie produise un ARN double brin, un ARN interférent correspondant à chacun des gènes de C. elegans, ou quasiment tous les gènes de C. elegans. Donc on a une banque combinée de plus de 18 000 bactéries qui couvre 95% des génomes de C. elegans. Donc on prend une bactérie, on le donne à C. elegans à manger, il va avoir l'inactivation du gène correspondant. Les vers qui mangent ces bactéries sont les vers qui portent notre gène rapporteur. On infecte ces vers. Si le gène qu'on a inactivé n'a pas de rôle dans la défense, on va voir l'induction de la fluorescence qu'on a dans la situation normale. Si, par contre, c'est un gène qui est essentiel pour la réponse, à n'importe quel niveau, la reconnaissance, la transmission du signal, l'expression des gènes, on va plus avoir les vers fluorescents suite à l'infection. Donc c'est une méthode simple pour identifier ça. Donc, Olivier Zugasti et Jérôme Boulung ont investi énormément d'efforts avec une étudiante en thèse, Barbara Scribon, pour mettre en place un système de criblage automatique où on a un robot qui va distribuer des clones différents dans des plaques. Donc c'est un support où on peut cultiver les vers. C'est la deux fois la taille d'un iPhone. Et dans cette plaque, il y a 96 puits. Donc sur chaque plaque, on peut tester 96 gènes différents. Et donc on a une banque avec entre moins de 200 plaques et on couvre le génome de C. elegans. Ensuite, nous avons une machine qui est capable d'aller dans chaque plaque, d'aspirer des vers et ensuite mesurer la fluorescence de chaque vers individuellement. Donc on a un résultat quantitatif qui nous dit que sur les 18 500 gènes testés, nous avons 360 qui en effet robustes sur la réponse à l'infection. Et donc en prenant ces deux approches complémentaires, l'approche génétique directe et l'approche génétique reverse, on a pu dresser une liste assez complète des gènes qui sont requis pour la réponse. Ensuite, il y a la partie qui est le plus difficile. C'est de savoir quel est le rôle de chacun de ces gènes de défense. Dans certains cas, les gènes qu'on a identifiés sont déjà connus, soit chez C. elegans, parce qu'ils ont un rôle dans une autre fonction physiologique, soit parce qu'ils étaient démontrés à un rôle dans un autre organisme, ils étaient déjà l'objet d'une étude. Si c'est le cas, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, on est confronté par le fait que énormément des gènes qu'on identifie, soit sont spécifiques à C. elegans, soit sont spécifiques aux nématodes, soit, s'ils sont conservés, ont jamais été l'objet d'études dans aucune espèce. Et donc maintenant, on a un travail d'essayer de comprendre comment ces gènes sont fonctionnés. Donc on peut poser la question, pourquoi on trouve des gènes qui sont spécifiques à C. elegans? Et ça, je pense que ça reflète la force qui exerce l'infection, parce qu'en effet, la capacité de se défendre se traduit en la capacité de reproduire, avoir une descendance. Si on ne peut pas se défendre, l'espèce va mourir. Et comme je vous ai dit, sans doute, C. elegans était en présence des champignons depuis des millions d'années, et donc il a pu développer ses propres mécanismes de défense. Et donc, ce qu'on trouve chez C. elegans, il y a une partie qui est commune aux espèces, mais une grande partie, et ça reflète la force de la sélection, qui est spécifique à C. elegans. Et en quelque sorte, on voit l'évolution en route à travers ces études. Donc, nos études avec C. elegans va nous donner des informations sur comment l'organisme se défend. Il va donner des informations sur les mécanismes de C. elegans qui pourraient ou pourraient pas être directement applicable aux autres espèces. Mais la compréhension du système entier va nous donner une vision de comment le système biologique marche, parce que ça, c'est toujours un grand défi dans la biologie, c'est de comprendre, en gros, comment on peut assembler tous ces morceaux et les mettre en musique ensemble pour avoir un organisme qui est vivant. Dès qu'on a une liste des gènes qui sont impliqués dans les défenses, comme on a actuellement, il y a deux choses à faire. La première, c'est de définir quels sont les gènes qui interviennent à chaque niveau dans les réponses. Et pour ça, je veux dire que il y a des cascades de signalisation, il y a la reconnaissance et la transmission d'un signal, et on peut placer un gène par rapport à un autre dans le processus. Je donne un exemple. Si on produit une forme qui est toujours active de gène X, on va avoir la réponse à l'infection, même en absence du pathogène. Gène X se situait quelque part dans la cascade. On prend le mutant Y, on le combine avec cette forme active des X, il y a deux possibilités. Soit Y va bloquer X, soit il ne bloque pas. S'il bloque X, ça veut dire qu'il intervient plus bas dans la cascade. S'il ne bloque pas, soit il est en amont, soit il est parallèle. Et donc, en faisant des essais combinatoriels, on peut établir cet ordre épistatique et placer des éléments dans la cascade. L'autre partie qu'on doit faire, ce qui est le plus dur s'il n'y a aucune information, c'est établir la fonction de ces gènes. Donc, on a, dans le premier lieu, on a la séquence. Donc, des fois, la séquence est suffisante pour donner une petite idée aux fonctions. Par exemple, il y a des enzymes qui sont caractérisées par une structure très particulière. Il y a des kinases qui sont responsables pour la phosphorylation d'autres protéines. Et cette phosphorylation, souvent, est une marque qui déclenche une réaction. Et donc, on peut identifier simplement en regardant dans la séquence que gène Z correspond à une kinase. Et donc, ça va nous aider dans notre compréhension. On peut voir si un gène est un code pour une protéine prédite d'être dans le cytoplasme, dans le noyau, à la membrane. Et ça également, ça va nous aider. On peut également être dans la situation où un gène, même si c'est assez spécifique à ses élégances, fait partie d'une grande famille, et cette grande famille a été caractérisée d'une certaine manière. On a précisément ce cas en ce moment, où on a chez C. elegans une gène qui code pour une protéine d'une famille des transporteurs. Donc, par sa structure, on sait que c'est un transporteur, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il transporte. Et donc, on fait des tests en ajoutant des substrats différents, des molécules différentes, pour voir si on peut trouver une molécule qui est le substrat de ce transporteur, parce qu'on considère que ce substrat doit déclencher la réponse immunitaire. Ces travaux, également, par cette approche génétique et par l'utilisation des gènes rapporteurs, on a pu mettre en évidence le fait que la réponse à l'infection comporte deux parties. Une partie, c'est la reconnaissance et la réponse au pathogène, et l'autre partie, c'est une réponse aux conséquences de l'infection. Au moment que le champignon entre dans ses élégances, il va fait un trou. Et on a pu démontrer que le simple fait de faire un trou dans ses ligands va déclencher une partie de ses défenses. On peut imaginer que c'est une mesure prophylactique de ses ligands pour se protéger dans le cas où qu'il y a, après une blessure, une infection qui suit. Dans les gènes que nous avons identifiés, il y a des gènes qui sont requis pour répondre à la blessure, et il y a des gènes qui sont responsables pour répondre à l'infection. Et il y a des gènes qui sont requis aux deux. Et donc, comme on a des stimules différents, et comme on a des méthodes d'analyse épistatique, on peut ordonner ces gènes dans un réseau de contrôle qui est nécessaire pour la réponse à l'infection. Donc, comme vous pouvez imaginer, ces approches génèrent énorme quantité de données, parce que par exemple, nos études transcriptionnelles, on a des données quantitatives pour chacun des 20 000 gènes de C. elegans face aux pathogènes différents. Pour nos études de génétique reverse, on génère des mesures quantitatives suite à l'inactivation de quasiment tous les gènes. Dans un premier temps, il existe un lieu de partage qui s'appelle OneBase. C'est la base de données pour la communauté C. elegans. Donc, c'est une base de données qui a été développée assez tôt par Richard Durbin en Angleterre et Jean Terry Migg à Montpellier. Et en fait, c'était le premier base de données objet orienté. Les bases Oracle d'aujourd'hui sont tous objets orientés. C'était ce base de données STB qui était le toute première base de données objet orienté. Petite parenthèse, c'est intéressant de noter que les recherches avec C. elegans, en fait, ont conduit à énormément d'avancées technologiques. La microscopie confocale à balayage était mise en place, développée pour étudier l'embryogenèse de C. elegans par John White et collaborateurs à Cambridge. Le séquençage de génome humain aura jamais eu lieu s'il n'y a pas eu le séquençage de génome de C. elegans. Et il y a également toutes les avancées biologiques qui ont été associées avec C. elegans. Mais revenons à STB, et donc STB est devenu OneBase. C'est combine des informations bibliographiques. Donc il y a des annotateurs qui vont lire tous les articles qui sortent, qui concernent C. elegans, et intégrer les informations dans la base de données, cette base de données qui est structurée autour des gènes. Donc le point de départ dans la base de données, c'est chacun des 20 000 gènes de C. elegans. Et associé avec chaque gène, on a des informations bibliographiques, on a des informations structurales, on a des informations génétiques, on a des informations des interactions physiques et génétiques, et on a également des informations concernant l'expression de ces gènes dans des conditions différentes. Dans le cas des études d'expression, nos travaux sont faits en collaboration avec une consortium qui s'appelle Modern Code, qui a pris la décision que même avant publication, toutes les données qui sont générées doivent être rendues publiques. Donc, dès qu'on fait une expérience avec Modern Code, les informations sont mises online et sont disponibles pour la communauté scientifique. De notre côté, on travaille également avec une initiative française qui était lancée par INIST et qui vise à assurer que il y a une portabilité des données et une transférabilité des informations concernant une espèce vers une autre. Donc il y a un formatage des informations minimes qui doit être associé avec chaque expérience pour permettre à un autre investigateur de savoir exactement ce qui était fait au moment que des données étaient générées. Donc ça, c'est les métadonnées. Donc il y a les standards de métadonnées et également la mise en public des données qui sont associées. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut que les données qu'on génère ont une relevance pour les années à venir. Et en fait, nous sommes confrontés par une difficulté constante, c'est que les bases de données dont on dépend sont en évolution constante. Dans notre travail, on a développé et on continue à développer des outils informatiques pour aller pêcher des informations à gauche et à droite, sauf à gauche ça change, à droite ça change, donc on a un constant besoin d'adapter nos outils pour faire face au fait que même les grandes bases de données subissent des changements réguliers. Quand je dis réguliers, peut-être c'est une fois chaque 5 ans, mais je ne sais pas si on peut accepter qu'on va oublier tout ce qui était pas fait dans les 5 années précédent. C'est le même problème que tout le monde connaît quand Microsoft met en place une nouvelle version de PowerPoint et on n'a plus la possibilité d'ouvrir des PowerPoint de 98. Pour Cellegons, il existe un centre de stockage de souches qui est localisé aux États-Unis. Chaque fois qu'on publie un article et on utilise une souche, on génère une souche, on génère un mutant, on est censé donner cette souche à cette collection qui s'appelle le CGC, et le CGC ensuite se charge à distribuer ces souches à tout chercheur qui le demande. Donc ça peut mettre l'accès à toutes les ressources qui sont publiées. Pour les autres réactifs, en règle générale, ça se fait par email. On va envoyer un message à un collaborateur en disant voilà, j'ai lu votre article et je trouvais que cet réactif pourrait être intéressant pour nos propres recherches. Et en règle générale, il envoie tout de suite son vrai. Il y avait une époque où on justifiait tous nos grants en disant ce qu'on va trouver chez Cellegons va révolutionner la compréhension limitée chez l'homme. Suivons l'exemple de la drosophile. Le plus loin qu'on est dans les études, le plus qu'on a vu qu'il va avoir des informations importantes, il va avoir une conception biologique qui va émerger de nos études, mais on va pas soigner le monde avec notre travail. Pendant une période, on a laissé tomber toute mention de l'implication de nos études dans la santé publique. Mais récemment, on a commencé à glisser de nouveau face à une pression qui existe en ce moment, qui est montant, une pression montant, où la recherche entièrement fondamentale est sous attaque et n'est plus aussi défendable que c'était il y a 5 ans. Donc, oui, aujourd'hui, on dit, voilà, ça va avoir une relevance pour la santé publique, mais franchement, je pense que nos travaux vont porter quelque chose pour la santé humaine, mais c'est pas pour demain et c'est pas par le biais qu'on pourrait imaginer. Je pense que c'est plutôt dans les concepts que dans les molécules. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire comprendre au pouvoir politique.